Chapitre 6. La table était dressée sur la terrasse. Foutrelle, épuisée, s'était déjà couchée. Poto mettait des accords sur le piano. Fauvarque discutait musique avec lui. Mais soudain, ils s'interrompirent. Jeanne et René, à qui Husselin parlait à voix basse, renversés dans leur siège, le bord des narines légèrement enflammé et le coin des yeux mouillés, riaient d'un rire gaillard qui secouait leurs genoux. Fauvarque, moitié sérieux, moitié plaisant, dit à Poteau, dont il voyait l'inquiétude. « Cette canaille de Husselin, on se demande ce qu'il peut bien raconter à nos femmes pour les faire rire de si bon cœur. » Après dîner, Jeanne, sur un agenda, marqua les frais de la journée. Elle était chargée de tenir le compte des dépenses communes. Elle mouillait son crayon et respirait profondément chaque fois qu'elle posait un chiffre. « 18 et 18, combien ça fait-il, Henri ? » demanda-t-elle en levant la tête. « Ça fait 17, répondit Fauvarque. « 17, la bonne plaisanterie, ça doit faire plus. » Poteau lui vint en aide. « 36, Jeanne. »« 36, blagueur, dites-moi, Husselin. « 18 et 18. »« Ça fait exactement 27, répondit Husselin. « 27, reprit Jeanne. « Eh bien oui, ça fait exactement 27. »« Ne cherchons plus, conclut Fauvarque. » Les comptes établis, Husselin fit, d'une voix volontairement sourde, une lecture de Ronsard. Elle acheva d'endormir Poteau. Fauvarque lui-même, en sommeillé, suivait péniblement. Il proposa d'aller se coucher tôt, par exception ce soir-là. Mais Jeanne se récria. Quant à René, elle engagea Poteau à gagner son lit. Il se retira en grommelant. Fauvarque le suivit. De nouveau Jeanne et René restaient seuls avec Husselin. Peu après, le livre de Ronsard se ferma. Les deux étrangers partis, ces vers archaïques et doux, devenaient inutiles et ennuyeux. Des peupliers, pareils à des oiseaux de nuit au long col, battaient leurs plumes rêches. Une vie étrange les animait dans l'ombre. Husselin renoua tout bas la chaîne de ses confidences. « Je me souviens aussi d'une autre femme, murmura-t-il. Celle-là était de Saint-Paul, au Brésil, une créole. Elle m'attendit dans son lit, par pudeur, pour ne pas se déshabiller devant moi. Dès que j'arrivais, elle me faisait une place. Elle ne m'enlaçait pas, elle ne pressait pas son corps contre le mien tout de suite. » Elle me tendait les lèvres en fermant les yeux. Le jour où je lui annonçai mon départ, elle entra brusquement dans une colère folle. Fermant sa chemise sur sa chair dorée, elle m'ordonna de rester. Je me fâchai. Je voulus partir. Elle s'accrocha à mes pieds et les baisa. Je la repoussai et sortis. Elle me suivit. Il était minuit et il faisait froid. Elle courut 100 pas dans la rue en chemise. Par pitié, je remontai. Ce fut quand même la dernière nuit. Husselin remarqua l'éclat des yeux de Jeanne et de René. Elles écoutaient avec recueillement. C'est sur le paquebot du retour que je connus une Portugaise. Elle allait atteindre la quarantaine et commençait à se croire vieille. Elle m'intéressa. Je lui déclarai mon amour. Elle me repoussa. Je la poursuivis. Enfin, la veille de notre entrée à Porto, je m'aperçus qu'elle était profondément triste. Et lorsqu'elle descendit pour gagner sa cabine, je l'accompagnai. Elle se hâtait, fiévreuse, dans l'étroit couloir qui tremblait du battement des turbines. Mais parvenue à proximité de sa porte, elle se tourna soudain vers moi, joignit les mains, me supplia de la quitter. Elle me dit avec feu qu'elle était sœur d'un archevêque, vertueuse, mère de 4 enfants, que son mari était un homme honorable, et qu'il serait cruel de la faire pêcher 6 peu d'heures avant sa rentrée au foyer. Je lui dis adieu et remontai. Il faisait clair de lune. Debout contre le bastingage, je fumais longtemps des cigarettes. J'entendis rire et me retournai. C'était elle. Elle me regarda avec amour, me parla, je ne répondis pas. Elle vint se serrer contre moi et me demanda comment il se faisait que le reflet triangulaire de la lune nous suivît toujours, malgré la marche du navire. Je répondis froidement par quelques mots d'explication. Alors, brusquement, elle saisit ma main, la baisa, fondit en larmes et s'enfuit. Je ne l'ai plus revue. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» s'exclama Jeanne. Pâle et verdâtre, le fond de Husselin émergeait de la nuit. Ses mains, au pur dessin, s'appuyaient aux accoudoirs de son fauteuil. Une aube religieuse éclairait ses prunelles et sa barbe légère vibrait. « Il n'y a, reprit-il, qu'une loi humaine, l'amour. Le monde était conçu comme un jardin où les créatures s'aimeraient jusqu'à l'effondrement physique. Une faute, un oubli, a laissé ouvert dans l'homme l'abîme de ses besoins. » Et la conception première fut compromise et amoindrie. Je lui restitue sa grandeur. » Les yeux de Husselin se posaient sur la route, grise parmi les champs noirs, qui qui retenait l'obscurité. Sa pensée s'engageait sur ce rail solitaire, et il parlait de ses amours. Il en parlait bien. Jeanne et René, assises en face de lui, le regardaient avec des yeux fixes. Elle n'avait jamais assisté à un tel concert et se répétait éblouie. Quel poète ! J'ignore les demi-possessions. Je demande tout un être. Je fais l'abandon de tout moi-même. Si j'avais un crime derrière moi, je le confierais à ma maîtresse, mettant ainsi ma vie entre ses mains. Et si un jour elle vous quittait, vous seriez perdu. Les femmes sont tellement perverses, balbutia René. Peu ma raison ne regarde pas si loin. Il désigna de la main un diadème lumineux posé au loin sur un drap noir. Vous voyez, c'est Paris, la cité du monde dont le nom frappe le plus intensément les esprits. Pour moi, parce qu'elle est la ville de l'amour. Mais nous qui y vivons, nous savons quel grand fleuve de la vie sociale et de la vie amoureuse s'y côtoie, sans mêler leurs eaux. C'est en plein jour que le premier s'étale, l'autre est relégué dans la nuit, dans les lieux obscurs, comme si l'amour était une chose honteuse, l'eau sale des goûts infecte. Les deux femmes se sentaient grandes. Elles prenaient sentiment d'une religion méconnue jusque-là, dont Husselin était le prophète. Elles s'indignèrent contre l'hypocrisie du monde. Jeanne, qui délicate, pudique et scrupuleuse, cachait son amour, même à ses propres yeux, René qui en écartait l'image, découvrirent tout à coup, dans les replis de leur chair, le courage d'une passion qui s'étale et cette farouche ardeur des chattes passionnées qui ne sortent de leur silence que pour clamer leur spasme. Elles regardaient Husselin, redressées, épanouies sur leur siège. « Touche, frère, semblait-elle dire. Ici, ce sont nos seins durs en qui le simple contact de nos blouses déchaîne des besoins orageux. Ici, nos ventres qui accueillent le germe des vies futures. Ces deux branches fleuries qui voudraient t'enlacer, ce sont nos bras. Là est notre bouche mûre comme une grosse fraise. Celles-ci sont nos hanches larges. Plus bas sont nos cuisses sur lesquelles tu as sauté enfant et où tu peux aujourd'hui poser tes joues fiévreuses. » On peut dire, s'écria Husselin, que l'histoire des sociétés est une longue lutte contre l'amour. De la même façon que l'homme a chassé les fauves dans les forêts, les déserts et les jungles, la société a traqué l'amour comme une bête dangereuse. De ce jour, la déchéance sociale de la femme était consommée, car la femme est l'instrument de l'amour. « Et si nous nous révoltions, » dit Jeanne. Voilà ce que j'allais dire, approuva René. Et chacune sentait en elle assez d'amour pour racheter toutes les sœurs déchues. La nuit commençait à fraîchir. Ils rentrèrent, courbés, les jambes flagellantes. Husselin entreprit de fermer les rideaux de fer de la porte et de poser la barre de sûreté. Il apportait dans son travail cette bonne volonté maladroite qui donnait à ses gestes un charme puéril. Cette besogne achevée, il s'approcha des deux femmes. Elles étaient tournées vers lui dans une attitude de rêve. Elles lui sourirent. Ils étaient debout, enfermés tous les trois dans cette pièce hermétiquement close. Tout dormait. Le frémissement nocturne de la campagne ne pénétrait plus jusqu'à eux. La flamme jaune de la lampe n'était qu'une lueur cotonneuse. Et tous les trois se sentirent appelés au milieu de ces parois épaisses, où régnait une tiède et mystérieuse sécurité, à n'être ensemble qu'une seule âme. Veillés par leurs ombres, ces géants muets appuyés le long des murs. Elles s'engagèrent dans la cage sombre de l'escalier. Husselin les suivit avec la lampe qu'il tenait dans ses deux mains au niveau de son front. Il attendit qu'elles fussent parvenues à leur porte et que leurs deux voix se fussent mêlées à la sienne pour l'adieu. « À demain !»« Oui, à demain !»« Faites de bons rêves !» Tous les trois se sentaient unis comme s'ils formaient le noyau d'une confrérie humaine destinée à grandir à travers le monde. Seul Husselin posa la lampe et vint s'étendre sur le divan en suivant d'un regard attendri les images qui restaient de Jeanne et de René. L'or de leurs cheveux brillait autour du samovar, et ils voyaient se préciser leur sourire sous l'abat-jour de la lampe. C'était bien leurs deux physionomies rieuses où le rêve se suspend au bout des cils, mais ils ne savaient plus les distinguer. Laquelle était Jeanne, laquelle René? Elles disparurent et devant ses yeux s'élevèrent deux fleurs gigantesques, roses comme la chair. Il laissa tomber sa face, lourdement, dans cette double vision qui avait le goût de la réalité. Il la huma sans y porter les mains, immobile, tendue, et joua de ses lèvres, de ses narines, de ses paupières, avec les élivrants fantômes jusqu'à l'évanouissement de sa conscience. Il y avait un quart d'heure qu'il était plongé dans son rêve quand une forme étrangère se dessina sur sa pupille. C'était une femme vêtue d'une ample robe. Il la reconnut, mais comme elle lui était indifférente, comme elle semblait sans vie, sans chaleur. « Vous êtes encore là, balbutia-t-elle. J'avais oublié mon voile. » Il se souleva sur un coude, la regarda. « René, dit-il après un long moment, comme s'il venait seulement de la reconnaître. Elle se mit à frissonner. « Vous avez quelque chose à me dire ? » demanda-t-elle. « Approchez-vous. » Il était gris des images auxquelles il venait de demander la volupté, et il avait appelé cette femme sans désir. Mais à mesure qu'elle s'approchait, elle semblait entrer dans un cercle embrasé, s'animer, se charger des désirs de Husselin. Il l'attira contre lui. Quand il eut l'étreinte dans ses bras, il lui vint l'intuition vague que ce corps tangible mais souple, brûlant, malléable comme une création de l'esprit, était surgi de sa fièvre et des excès de son amour. « Mes deux mains ne suffisent plus pour vous prendre, » murmura-t-il. Il la regarda dans les yeux. « L'oubli de votre voile n'est qu'un prétexte. Vous êtes revenu me chercher, n'est-ce pas ?» Elle ne fit pas de réponse, mais entre ses deux bras, il la sentit trembler. Il la souleva, frotta une allumette, éteignit la lampe. « Passez, je vous éclaire. » Ils montèrent sans bruit. Maintenant, c'était lui qui était en possession de lui-même. Elle qui ployait, perdue dans de lointaines visions, déjà épuisée, semblait-il, par ses jouissances. Il la soutint. Arrivés sur le palier, ils eurent pour se diriger le trait de lumière qui bordait la porte entr'ouverte. Elle voulut, sa pudeur soudain revenue, lui tendre la main et lui dire adieu. « Accueillez-moi, supplia-t-il, je serai sage, sage, sage. » Il continua à murmurer ce mot de plus en plus bas, tandis qu'il pénétrait dans la chambre envahie d'un parfum de lavande. Lorsqu'il eut refermé la porte, il aperçut assise sur le lit de René, Jeanne, qui étouffa dans l'oreiller le flamboiement de ses yeux clairs et un cri à peine perceptible. « Sage, sage, sage, sage » balbutiait-il encore, comme s'il prononçait la formule magique qui lui ouvrait un monde inespéré. Les deux femmes pudiquement se voilaient le visage. « À demain, » dit Jeanne doucement. « Oui, à demain, » répondit Husselin. Il inclina la tête jusqu'à l'épaule de Jeanne, et là, sous le jersey tiède, ses lèvres baisèrent la chair parfumée. « Mon ami, » fit-elle en lui caressant les cheveux avec la main. René, discrètement, essaya de gagner la porte, mais Jeanne la rappela. « Toi aussi, il t'embrassera, » dit-elle. « Tu comprends bien que c'est seulement pour s'amuser. »